Le journal Internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré le 19 un éditorial pour la solution du problème de la liberté des prisonniers consciencieux. L'éditorialiste dénonce qu'il y a beaucoup de prisonniers consciencieux en Corée du Sud du temps de Lee Myung-bak et de Park Geun-hye. En affirmant que leur libération est le premier signe montrant la volonté envers la démocratie de l'actuel gouvernement accédé au pouvoir par la révolution de la bougie, il exige de régler le problème des prisonniers consciencieux, ne serait-ce que maintenant.